بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل في هذه الدروس في شرح مناسك الحج والعمرة، وفي آخر الدرس أخذنا مسائل في الطواف، واليوم نكمل إن شاء الله تعالى، نكمل إذا استطعنا العمرة. نعم، انتهينا من مسألة الانطباع. بعد ذلك قال وفقه الله: يجب أن يكون الطواف من خلف الحجر، لأن الحجر من البيت. أي نعم، الحجر c'est la partie le comme en forme de lune à demi cercle qui est sur le côté de la Kaaba. قال هنا لأن الحجر من البيت. نعم، الحجر ce petit muret que tu vois en forme de demi lune en forme circulaire à demi cercle هذا الأصل سكس من البيت. فلا يجوز الطواف من داخل الحجر. تي اوبليجي دو كونتورني. فلهذا قال يجب ان يكون الطواف من خلف الحجر. نعم، لان الطواف دو يتخو طور دو الكعبه، وهذا الحجر في بارتي دو الكعبه. قال واذا شك الطائف في عدد الاشواط بنى على اليقين وهو الاقل، مع الحذر من دخول باب الوسواس. تسا إن شاء الله مدطيقة. قال ويصح الطواف في جميع المسجد، وكلما دنا من البيت كان أفضل. فهناك on a cité plusieurs مسائل، وإن شاء الله on explique قليلا قليلا. قال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه: أجمع أهل العلم على أن من شك في عدد أطوافه بنى على اليقين. أي نعم، واليقين سالأقل. فمثلا سي تفى الطواف أخي الكريم لتعن دوت اسكو سي 4 اسكو تو 4 تور أو 5 تور، فلا شك أن تفي لك 4 تعن دوت سور 5 في هذا الحال، فتبني على اليقين، اليقين سالأقل. فدائما سي تعن دوت اسكو تو 3 أو 2 مثلا، tu te bases et tu fais comme si c'était que le deuxième et tu refais le troisième. Et n'am لأن اليقين لا يزول بالشك، يعني قاعدة معروفة عند الفقهاء. فهنا تبني على اليقين كما قال ابن المنذر رحمة الله عليه. مسألة طرابو طواف: هل يشترط الموالاة بين أشواط الطواف؟ أشواط جمع شوط أي لتوخ. فهل يشترط الموالاة؟ الموالاة عدم الانفصال. الموالاة عدم الانفصال أي تفي لست توخ سان كوبيور. فأسكو سان شرط دو نو با ساريتي أي أسكو سي تو تاريت سافي دو مال أتون طواف. قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه قال فالسنة في الطواف الموالى، يجب أن يوالي بين الأشواط، هذا واجب. فالسنة في الطواف الموالى، قال يجب. فقوله السنة سببجغ هنا باب المستحب، لا يتموتخن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سي الموالى، ثم يسيت الحكم يجب أن يوالي بين الأشواط، هذا واجب. قال لكن الاستراحة القليلة التي لا تضر والتي لا تعتبر طويلة عرفا لا تمنع. هي نعم. أما سي الإنسان يغصن فاتيك يساغد كالك مينوت يبوى etc. فلا يضر هذا. فلا يضر. Donc on a compris من كلام الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أن ce qui fait du mal c'est الوقوف الطويل والانفصال الطويل الكبير. فهذا صفي جمال وطواف. أما اليسير فلا. قال وكذلك لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم يكمل الطواف من المحل الذي قطعه منه وهكذا السعي. هي نوتخ مسألة سيت في الطواف أخي الكريم وأظن قد نبهنا عن هذا. سيت في الطواف ثم أذن المؤذن tu continues في هذا الحال tu continues tu fais pas الركعتين المستحبة لا tu continues لكن عند الإقامة الصلاة الفريضة فهي هذا الحال tu coupes الطواف tu fais الصلاة مع الجماعة que ce soit فجر ظهر عصر مغرب وعشاء ثم dès que l'imam يسلم فأنت تسلم tu te lèves et tu continues ton tawaf. من المحل الذي قطعه. Si tu t'arrêtes au troisième tour, tu reprends au troisième tour. Si tu t'arrêtes à la moitié du quatrième, tu reprends à la moitié. L'endroit où tu es, tu continues. قال قطعه منه وهكذا السعي. نعم. سيأتي معنا في السعي c'est la même chose. أي السعي بين الصفا والمروة. قال أما إذا طال الفصل فإنه يعيده من أوله. ساسي على قول القول الصحيح إن شاء الله تعالى. سي الفصل لطويل لطويل ففي هذا الحال يغفى الطواف من البداية. قال لأن الموالاة شرط على قول. المسألة خلافية لكن القول الصحيح إن شاء الله سهذا القول. قال إلا القطع اليسير الذي يعتبر ليس بطويل أو لعذر شرعي كإقامة الصلاة. نعم. أو il veut se reposer quelques minutes أو il a soif. هذا معروف. Il coupe ثم il reprend son طواف. نعم. هذه المسألة المهمة. الموالاة c'est un شرط c'est واجب. Donc, dès qu'on fait le tawaf, on le fait d'un coup. Et une petite pause, comme a dit le Cheikh Abdel Aziz, la tadur. Naam, on revient à la parole du Cheikh Mohamed, waffaqahu Allah, wa idha shakka al-ta'if fi adad al-ashwad, bana ala al-yaqin. On l'a cité à des mas'ala, lakin on n'a pas expliqué le tambi, qal, wa huwa al-aqal ma'a al-hadar min dukhul bab al-wiswas. Fahada, c'est muhim. An al-insan yabtarid min al-wiswas fi hada al-hal ou fi ghayri. Que ce soit dans le wudu, que ce soit dans le salat, que ce soit dans le tawaf. Léana shaytan yuwaswis. A ba'd al-ikhwan, a ba'd al-muslimin, shafahumullah. Et ils ont ce marad, marad al-waswas. Faroubama, il refait un tawaf au lieu de faire 7 tours. Roubama, il fait des dizaines de tours. Et daïman, il yashouk. Est-ce que j'ai fait? Hada, c'est un marad. Naam, un oubli, ça arrive. Ça arrive. Tu fais le tawaf, tu sais plus si t'es au 4e ou 5e. Tu te bats sur le quatrième, on a dit à l'aqal et tu continues. Amma des heures fait tawaf, roubama 20e, 30e tour, wa yashuk, hada sa marad. Wa hada yahsul. Wallah al-musta'an. Al-insan yabta'id an hada. Tabni ala al-yaqin, et tu fais attention, tu comptes les tours que tu fais, et dès que tu arrives au 7e, incha'Allah, t'as fini. Naam. Qawluhu wa yassih al-tawaf fi jami' al-masjid. هذا فيما أذكر أن لا سيتي. نعم طنقت ومشد الحرام الطواف إلى صحيح وكلما دنا من البيت كان أفضل تسع أن لا سيتي. هنا مسألة كمبسيتي في الطواف هل يقطع الطواف ليصلي على الجنازة ونادي بوخ صلاة الفريضة تكوب لأنها سينو بلغاسيون صلاة الجماعة في الحقيقة لا كوبور على يسيرة كالك مينوت تكوبخو في صلاة المستحبة مثلا ندخل أذان الإقامة لا تكونتينيو الطواف لأن في ركن من أركان العمر الآن الطواف دونك ساباس أفون لي دو ركعات مستحبة. الآن بقي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة سي با واجب بوغ توا

son septième tour de tawaf. قال ويستحب أن يصليها خلف مقام إبراهيم ولو على بعد. Et نعم سنة. On va voir que c'est permis dans tout le masjid. لكن السنة c'est de faire derrière مقام إبراهيم. نعم si tu peux juste derrière طيب. لكن في أيام الحج في الحقيقة يا زحام شديد هناك. L'essentiel c'est derrière le maqam ولو على بعد. ولو تدخل ولكن المقام إلى devant toi. فهذه هي السنة. قال فإن لم يستطع فتجزي في جميع المسجد الحرام. Si tu peux pas خلف مقام إبراهيم ولو على بعد, tu صلي n'importe où dans le masjid al-haram. فإن شاء الله t'es considéré avoir fait cette سنة. قال ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. Ça c'est une سنة كذلك. Dans les deux rak'at. Quand tu as fini le tawaf derrière Maqam Ibrahim, la première rak'a, après le Fatiha, tu récites Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi thaniya, Qul huwa Allahu ahad. Surat al-Ikhlas. Qala wa la yajuz al-murur bayna yaday al-musalli walau kana fil haram. Et cette mas'ala, on avait lu kalam al-imam al-shaykh al-albani, rahmatullah alayh, fi min risalatihi manasik al-hajj wal-umrah. إلى نبدأ عن هذا أنه لا يجوز كسسوا في المسجد الحرام أو في غيره et on avait lu les أدلة أي نعم الدليل على هذا على الصلاة خلف مقام إبراهيم لدركعات حديث جابر الطويل qu'on répète souvent حديث جابر on a déjà expliqué في صحيح مسلم c'est un long حديث où جابر il explique مناسك الحج حجة الوداع. Le dernier hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et le seul hajj qu'il a fait, Jabir radiallahu anhu, il l'explique. Qala Jabir radiallahu anhu, thumma ata, ay, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, maqama Ibrahim fasalla. Et non, c'est un délit wadih, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti en direction de maqama Ibrahim, et il a fait deux rakat. Qala al-Imam al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, fi sharh muslim, ça c'est une faïda. Anna, si tu veux des détails et tu veux un sharh tayyib, tu veux un sharh mufid, mukhtasar de manasik al-hajj, tu reviens à Sahih Muslim, Kitab al-Hajj, le long hadith de Jabir avec l'explication de l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi. Hunak, il a cité des fawaid et un kalam mukhtasar mufid, inshallah, tastafid minh. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه يصلي خلف المقام ركعتين أي نعم إجماع العلماء هنا نص هنا حديث واضح في صحيح مسلم ويستحب كذلك للطائف الطائف سلوي كفاء الطواف قال إذا أتى المقام dès qu'il a fini الطواف et il va en direction du مقام إبراهيم pour faire deux rak'at derrière si possible يستحب أن يقرأ قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يستحب هذا الحديث إلى ثابت بقي إذا نسي s'il a oublié ces deux rak'at et ça arrive تعلمون هناك أن مع الزحمة avec le monde, et khasatan le premier hajj ou la première umrah, tout est nouveau, Obama, la personne elle est impressionnée par le makan, par les gens, par le monde qu'il y a, etc. Obama yensa. Enfin, c'est pour ça que c'est important de connaître c'est quoi un rukn, c'est quoi un wajib, c'est quoi un mustahab, et si tu as oublié, qu'est-ce que tu peux faire pour te rattraper, ça c'est muhim. L'an idha nasiya rak'atay al-tawaf. S'il a oublié, l'imam al-Shafi'i ou l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhim, ou Ibn al-Mundhir, كذلك, قالوا أنه يصلي متى ذكرها في الحرم أو في الحل. لأن ces deux rak'at qu'il doit faire, quand il se rappelle, qu'il soit encore في المسجد الحرم, ou il est sorti, ou plus tard, le jour où il se rappelle, il les fait. واستدلوا بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها الحديث متفق عليه عن أنس نعم هذا صحيح هذا الدليل للجلوبال من نام عن صلاة وتأملوا الصلاة لنكرة هنا. نعم إلى بدي عن الصلاة لا ندي إلى دي الصلاة إلى نكرة أي سأنو أدفني السنو أدفني الآن يفيد العموم أي نبختك للصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. فسي تأوبلي دفر الصلاة que tu dois faire ou que tu as coutume de faire et tu l'as oublié ou tu as dormi, dès que tu te rappelles, tu l'as fait. فهذا الآن dès qu'il se rappelle avoir oublié de faire ces deux rak'at où qu'il soit في المسجد الحرام ou في غيره qu'il soit en état d'ihram ou pas, il fait ces deux rak'at. هذا هو الصحيح. قال فإذا فرغ من الصلاة الآن tu as fini de faire ces deux rak'at. Et on a besoin de l'importance d'être à la wudu. Awalan, al-tawaf, on a dit, il faut que tu sois à la wudu, à la sahih. C'est un shart fi al-tawaf. Hadith Aisha taqaddam ma'ana. Quand elle était ha'id, elle a demandé au prophète sallam, il lui a dit, tu fais tout ce que le hajj y fait, sauf al-tawaf. Ça montre que c'est une condition. Wa illa, Nabi sallam, il aurait autorisé à Aisha de faire al-tawaf, elle n'était pas en état de pureté. Et huna kadhalik, t'en as besoin. T'en as besoin. فما بالك si tu fais le tawaf, ثم تغيب مقام إبراهيم, t'as plus le dos, tu dois ressortir. Et تعلمون أن هناك زحام شديد, tu dois ressortir, trouver des toilettes pour faire le dos, etc. فربما تتعب, c'est aller-retour. فلهذا l'importance, tu te prépares avant. حتى tu gardes le dos pour toute la umrah. أفضل. فتن auras besoin pour tawaf, c'est une obligation, pour مقام, pour faire les deux rak'at. Et on verra que pour Sa'i, ce n'est pas un shart, ce n'est pas obligatoire. Lakin, si tu t'es préparé cette durée, Inch'Allah, tu seras à la tahara. Si tu t'es préparé juste avant, tu as fait tes besoins, tu as fait al-wudu, tu feras al-tawaf très simplement et rapidement. Thumma, tu feras al-salat khalf maqam Ibrahim, Inch'Allah. Amma, si tu n'es pas prêt, rubbama, après tawaf, tu as besoin de refaire l'wudu, fa rubbama tatab. تخرج تو reviens et c'est pas facile quand il y a du monde. هذا احسن الانسان دائما il se prépare. فاذا فرغ من الصلاه يرجع الى الركن الاسود فيستلمه. Quand tu as fini les deux rak'a, tu as fini ton tawaf, tu es parti derrière maqam Ibrahim, s'il y a pas de place n'importe où dans le masjid, tu fais tes deux rak'a, ثم tu reviens الى الركن الاسود, الحجر الاسود. قال فيستلمه ثم يذهب الى جبل الصفا. Tu reviens à l'Hajar al-Aswad, si tu peux le toucher tu le touches. ثم t'as fini الان الطواف, t'as fini le deux rak'at, الان tu te diriges en direction de الصفا. قال ثم يذهب الى جبل الصفا. نعم, الان tu vas commencer un autre rukn, un autre pilier, الصفا والمروه. والدليل على هذا حديث جابر دائما رضي الله عنه قال ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه. نعم, donc ça c'est le dalil par rapport à revenir إلى الحجر الأسود. قال الإمام النووي رحمه الله واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب. اتفاق العلماء que c'est pas obligatoire. تستفيد من هذا نحن, et ça c'est une نصيحة مهمة. Quand tu entends Akhi al-Karim une chose qui n'est pas wajib, ça ne veut pas dire que tu dois la délaisser. Là, là, لأن السنة فيها خير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Et en réalité, c'est des hasanat simples. Tu reviens et ta niya, c'est de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une adoration, tu es sincère, Inch'Allah, tu as un ajr azim. Lakin, al-fa'ida de connaître annaha c'est une sunna, anna si tu oublies, tu n'as rien à faire. Maintenant, t'as oublié, t'as fait deux rak'at, maqam Ibrahim, derrière maqam Ibrahim. Toi, t'es parti, t'as commencé Safa ou al-Marwa. Tu te rappelles que t'es pas retourné vers la pierre noire. Lâche, Alek, tu continues à Safa ou al-Marwa. T'as oublié, ça arrive. Amma, c'est pas wajib. Ça serait wajib, probablement, t'as une chose à faire. Lakin, bittifaq, ijma' al-ulama, annahu, c'est mustahab. قال وإنما هو السنة أي مستحب. قال لو تركه لم يلزمه دم. نعم, il n'a pas un dam. Quand ils disent dam, une bête à égorger et à propager la viande, distribuer la viande pour les pauvres. Hunak. Facile, oublie, falashi alayhi, c'est une sunna, c'est mustahab. Thumma, yadhhab donc ila jabal as-safa. Donc il se dirige en direction de as-safa. Qala hatta idha dana min al-jabal qara'a. il se rapproche quand il arrive عند الجبل, au pied. Et tout ça, c'est à l'intérieur de le masjid. Robama, ceux qui n'ont jamais fait le Hajj ou l'Umrah, ils pensent que c'est dehors et il y a une montagne là. C'est une petite colline à l'intérieur du masjid. C'est très petit, quelques mètres. Et c'est à l'intérieur du masjid. Quand tu arrives là, à Sunna, tu lis قول الله عز وجل إن الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله تلي سبغس تنسنا ويقول نعم ويقول donc il y a un dua à dire هنا ويقول نبدأ بما بدأ الله به tout ça c'est ثابت في حديث جابر وفي غيره. Donc il lit le verset. ثم يدي نبدأ بما بدأ الله به. Et on commence parce que Allah il a commencé. Inna as-safa wal marwata min sha'a'irillah. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il a cité as-safa avant al-marwa. C'est deux collines. Anta tu commences parce que Allah il a commencé ay as-safa. Donc as-sa'i ça commencera par as-safa. Et on verra que tu en feras sept comme at-tawaf autour de la Kaaba, tu en feras sept des allers-retours. Donc tu commenceras par as-safa et tu finiras automatiquement par al-Marwa. قال ثم يصعد على الصفا حتى إذا رأى البيت استقبله ثم يقول. Donc tu montes, tu vas voir que c'est très petit al-Makam. Donc tu as-sunna c'est que tu montes et si tu vois le Qibla, tu essaies de voir le Qibla, tu te mets en direction du Qibla et tu dis ce dua. الثابت في السنة. Tu dis la ilaha illallah. الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده تدي هذا الدعاء ثم يدعو بما شاء dès que tu as fait ce dua tu fais الدعاء بما تريد تدعو الله سبحانه وتعالى تدعو الله سبحانه وتعالى pour toi, pour tes parents, pour tes enfants. Tad'u Allah subhanahu wa ta'ala pour les gouverneurs musulmans. Tad'u Allah subhanahu wa ta'ala pour le jannah. Tad'u Allah qui te facilite l'ilm, qui te préserve des fitnes, etc. Qala yaf'al dhalika thalathan. Donc tu dis le dua qu'on a cité. La ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, la ilaha akhiri. Plus tu fais le dua ce que tu veux. Thumma tu refais le dua, tu refais le dua ce que tu veux. Trois fois. Trois fois hakada. Thumma. Tu te diriges en direction de Al-Marwa. قَالَ ثُمَّ يَنْزِلْ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى يَنْتَهِ إِلَيْهَا وَيَصْعَدْ عَلَيْهَا وَيَفْعَلْ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا. Donc, ce qu'on a expliqué sur Safa, et tu montes, tu te mets en direction de Qibla, si tu vois le Qibla, ثُمَّ tu dis le dua, ثُمَّ tu fais les invocations que tu désires, هَذَا tu le fais trois fois, ثُمَّ tu marches jusqu'à Al-Marwa. Quand tu arrives à Al-Marwa, la même chose. Thumma, tu reviens à Safa, etc. Sept fois, et Inch'Allah, tu auras fini à As-Sa'i. Est-ce que, qabla dhalik, est-ce que tu dois directement aller, après Tawaf, après les deux rak'at du maqam Ibrahim, est-ce que tu dois aller directement faire As-Sa'i, Safa ou Al-Marwa, tu peux t'arrêter. Qala Cheikh Abdel Mohsen, حفظه الله تعالى قال والأولى الموالاة بين الطواف والسعي ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك. Et ça c'est un kalam tayyib. Si t'as rien qui te gêne, t'es pas fatigué, مثلا t'as pas soif, t'as pas envie d'aller au WC, etc. Continue. لأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ils continuaient, ils faisaient l'umrah en un coup. La vie ça peut arriver à besoin. Tu as besoin d'aller au WC, ou tu as soif, ou tu es vraiment fatigué, etc. Al-A'dhar al-Ma'roufa, ça fait Adal-Hal, Yajouz. Yajouz, là, tu te reposes, tu t'arrêtes, tu fais ce que tu as à faire, thumma, tu continues. Ala, c'est un tambir, Mohim. Est-ce que pour As-Sa'i, il faut At-Tahara? On avait dit, fi At-Tawaf, c'est un shart pour At-Tawaf. Pour que At-Tawaf soit sahih, il faut At-Tahara. أما السعي قال الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع قال مذهبنا أي الشافعية ومذهب الجمهور جمهور العلماء أن السعي يصح من المحدث بكسر الدال أي celui qui a pas l'eau Al-hadath, c'est le fait de perdre l'oudou. Qal wal-junub, celui qui est en état de janaba. Wal-ha'idh, ayel mar'a. Qal wa daliluna, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam li'a'isha, radiyallahu anha, wa qad hadhat. Ta'lamoun, fi haddat al-wada', annaha, radiyallahu anha, hadhat. Elle a été touchée par ce que les femmes, elles sont touchées. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت اي fait tout ce qui fait le hajj fait tout ce qui fait اي من سعي etc لكن الطواف tu le fais pas. On avait cité ce dalil pour montrer ان الطواف c'est un شرط الطهارة فيه. هنا on le cite pour démontrer ان السعي c'est pas un شرط الطهارة في السعي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعي ما يصنع الحاج et لا شك ان الحاج parmi الأعمال كفاية السعي بين الصفا والمروة. الحديث لفي الصحيحين. فهذه سين حجة قوية كي ديمونتر أن celui qui est على وضوء et il fait السعي فالسعي لصحيح. وتقدم معنا أن السعي بين الصفا والمروة سنركن من أركان العمرة. On revient aux messages qu'on a lu dans السعي. مسألة رؤية الكعبة عند الصعود على الصفا والمروة. C'est une sunna. Le Nabi صلى الله عليه وسلم, il se mettait en direction de الكعبة, il voyait الكعبة et il faisait الدعاء qu'on a cité. قال الإمام الألباني رحمة الله عليه وأما رؤية الكعبة فلا يمكن الآن لحيلولة البناء بينه وبينها كما تقدم. هي نعم. ceux qui ont fait le hajj ou le umrah يعرفون هذا. أما نعم أن ربما tu montes sur Safa ou al-Marwa, avec tous les piliers, avec les murs, etc., tu ne vois plus Al-Ka'ba, rubbama. Fafi hadha al-hal, t'es excusé. Aslan, ce n'est pas wajib, c'est une sunna. Lakin fi hadha al-hal, t'as un udr de ne pas appliquer cette sunna. Léanna, tu ne vois plus. Famada taf'al, qal shikh al-Albani, fa'alay, an yashtahid fi istiqbaliha. T'ashtahid, et tu sauras à peu près la direction, Léanna, c'est à côté. Tu te mets en direction de Al-Ka'ba, l'qibla, même si tu ne vois pas Al-Ka'ba, et tu fais ce qu'on a cité من السنن. قال ولا يصنع صنيع الحيارة الذين يرفعون أبصارهم وأيديهم إلى السماء. Et ça c'est من البدع المحدثة qui se font في الصفا والمروة. وما أكثر البدع هناك لأن الناس كما تعلمون يسون على جهل. ربما لكثرة الفرح يسون tellement heureux etc. فايفوا دي شوز ويا أوكان دليل. فمثل هؤلاء ينصحون برفق الرفق الكلام الجميل et tout doucement inshallah يسمعون avec الأدلة et tu lui fais un résumé de l'importance de suivre le Nabi عليه الصلاة والسلام l'importance de faire le Hajj al-Umra comme il l'a fait عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم etc. فبرفق et ربما ça sera des personnes qui ne comprennent pas ta langue ou qui ne comprennent pas, ils n'ont pas ces bases, fait l'ilm, etc. S'il accepte, alhamdulillah, s'il n'accepte pas, tu fais le dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le guide. Lever les yeux en direction du ciel et lever les mains, etc. Là, avec ce sifa qu'il a dit, lever les yeux et les mains en direction du ciel, ce n'est pas mis la sunnah. Lever les mains pendant le dua, c'est autre chose. Lakin, mettre cette surah qui donne sur l'Albani, là, tu regardes en direction de l'Qibla et tu fais le dua qu'on a cité. قال ويمشي في طوافه là, que ça ne vous fasse pas de problème, mettre هذا الكلام في طوافه, vous confondez avec le tawaf. أي حول الكعبة. Là, السعي كذلك c'est un tawaf. فالعلماء ils l'appellent tawaf. Souvent, tu trouves al-tawaf veina al-safa wal-marwa. Ne pense pas que c'est une erreur ou là. Tu l'appelles sa'i, tu l'appelles tawaf. Fahuna qal wa yamshi fi tawafihi, ay baina al-safa wal-marwa, mashiyan, illa fi al-wadi. Donc, la façon de faire al-safa wal-marwa. Donc, quand tu as fini al-sunan qu'on a cité, tu viens d'arriver au pied de al-safa, tu récites le verset, etc. Tomba, tu descends et tu te diriges en direction de la marwa. C'est une ligne droite. C'est une ligne droite de quelques centaines de mètres. Avec hadha al-hal, tu marches. Mashiyan illa fil wadi. Qal wa huwa ma bayna al-alamayn al-akhbarayn. Ils ont mis des alam. Est un signe pour reconnaître cet endroit, le wadi. Et ta'lamouna al-wadi, qissat Ismail.

Aïe, Arrida, le tissu que tu as sur toi, il passe en dessous de ton épaule droite. Là, ça c'est que pour le tawaf. Et toi, tu as fini le tawaf. Ça fait Adel Hal, tu remets ton vêtement sur tes deux épaules. Qala fa'ida faragha min al-ashwat al-sab'a. الآن تفني لست على رتور بين الصفا والمروة قال تحلل بالحلق أو التقصير الآن تفني الصفا والمروة tu te diriges pour te couper les cheveux. Bien sûr, si c'est un homme, il se rase ou il diminue ses cheveux. Si c'est une femme, elle coupe que le bout d'une mèche. سيأتي معنا. قال الحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة. نعم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين والرحمة بالمغفرة والرحمة ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم il a fait dua trois fois pour ceux qui se rasent et le rasage هنا c'est بالموس ou rasoir et هنا كل الحمد يدي juste à côté de صفا والمروة dès que tu sors il y a un endroit spécial il y a des coiffeurs et ils sont prêts ولله الحمد ils te rasent بالموس et ils ne laissent plus aucun cheveu. قال وللمقصرين مرة المقصرين ça peut être au ciseau, ça peut être à la tondeuse. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم il a fait dua pour eux مرة. قال وأما المرأة فلا يجوز لها الحلق. هذا واضح. أما والله الحمد عمل المسلمين اللي على هذا أن النساء elles se rasent pas la tête بالموس. قال وإنما تقصر شيئا يسيرا من طرف شعرها. نعم une mèche, elle prend une mèche et elle coupe un petit bout. Al-maqsoud, c'est At-ta'abbud lillahi jalla wa ala. Wa bidhalik yakun qad atamma al-mu'tamar umratah. Après hada al-halq ou al-taqsir, al-mu'tamir il a fini sa umrah. Al-dalil ala al-taqsir ou al-halq, on a dit hadith Abdullah ibn Umar fi sahihay, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allahumma arham al-muhalliqin. Donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait ce dua. Allahumma arham al-muhalliqin. Et ta'lamouna anna l'insan, si Allah subhanahu wa ta'ala yarhamu, fa insha'Allah il est min al-fa'izin. Donc, hada al-amal, c'est un amal azim. La yambaghi al-insan, rubama yfil hajj une fois dans sa vie, ou yataraddad fi hada. C'est pas obligatoire. Lakin, akhi, استبق إلى هذا الخير فاستبق الخيرات كما قال عز وجل دي حسنات très simple une cause pour que Allah يترحم et chaque muslim normalement ça doit être ça son but que Allah سبحانه وتعالى يرحم si Allah سبحانه وتعالى يترحم فإن شاء الله كما نديت من الفائزين الناجين في الدنيا وفي الآخرة فالسوء عمل c'est une cause pour que Allah يترحم فلا تتردد les cheveux ça repousse. Ça repousse. Lakin, cette force, tu ne sais pas si tu vas la voir un jour. Hada, c'est un amal simple. Et on fait des efforts via hada et on se conseille. Huna. Si tu vois un frère, Rubama Bardanas, maïdroun. Bardanas, ils ne connaissent pas la différence entre al-halq ou al-taqsir. Ils pensent que c'est pareil. L'essentiel, c'est de au minimum de qassar, de diminuer. Là, montre-lui hada al-fadl. Et Inch'Allah, ça le motivera. Qalu wal-muqassirin, ya Rasulallah. Ils ont demandé au prophète, et ceux qui diminuent, ils ne se rasent pas. Qala Allahumma arham al-muhalliqin. Deuxième fois qu'il fait dua, alayhi salatu salam. Qalu wal-muqassirin. Ils ont demandé, ya Rasulallah, et ceux qui diminuent, ils ne se rasent pas. Qala wal-muqassirin. Kadalik. Kadalik, lakin, le fait que deux fois, il a fait dua pour al-muhalliqin, ça montre que c'est afdal al-hadith, on a dit les fils sahihayin. Tambih. Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Hafidahullah, dans sa risale, il fait un tambih. قال والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع. أما المتمتع, on répète, المتمتع, c'est celui qui fait l'umra. Et c'est la plupart des gens, là, ils font comme ça, ceux qui viennent de loin, خاصة. Ils font l'umra quand ils arrivent à Mecca. ثم ils se rasent ou ils diminuent leurs cheveux. ثم ils attendent le hajj. Maintenant, s'ils sont venus au début de Dhul-Hijjah, le premier, ils font l'Umrah, Thumma, ils attendent jusqu'au 8 de Dhul-Hijjah, ils remettent l'Ihram et ils font le Hajj. Ils vont à Mina, etc. Comme on expliquera, Inch'Allah, à partir de demain. Fal'an, pour le mutamatti', قال, wa amma al-mutamatti', celui qui fait l'Umrah, Thumma, il enchaîne avec le Hajj. قال, fa'in kana tahalluluhu minha qabla al-Hajj bimudda, yambutu fiha al-sha'r, fal-halq afdal. Si tu fais cette Umrah, bien avant le Hajj, maintenant, entre ta Umrah, tu vas te raser. Il reste deux semaines pour le Hajj.

tu fais une coupe comme les musulmans. C'était pas connu هذا عند عند أجدادنا وأسلافنا أبدا. Tout ça c'est venu من الغرب. Un safih, un mujrim, il a fait هذا و ils l'ont suivi. أعوذ بالله. أين حبك بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ T'as déjà vu un kafir en ta qui porte l'imama ou l'taqiyah ou il essaye de ressembler au prophète عليه الصلاة والسلام يبغضونه أشد البغض. Et ils se moquent, a'da'ullah. Et ils lui ont fait du mal de son vivant et ils essayent de lui faire du mal après sa mort. Non. Enfin, ils le détestent. Ils détestent ceux qui ressemblent à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, pourquoi nous, moi, en tant que musulman, j'irais ressembler et faire comme un kafir? Ah, ben, ça c'est un problème de l'aqida, un problème de iman. L'insan, il suit une personne qu'il aime. Enfin, un tatam al-rasoul, d'un musulman. Enfin, suis le rasoul. أما هذا الكافر الله سبحانه وتعالى يغضه il le déteste et أنت en tant que مسلم tu dois le détester في الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله هذا سا un تنبيه un autre تنبيه قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه شرح الممتع قال قوله والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. J'ai oublié ce qu'on a cité dans les dourous précédents, le moment qu'on doit arrêter de telbiya. L'an, on a fini l'umra. L'an, on a expliqué tawaf, on a expliqué sa'i. L'an, on s'est rasé la tête, on a diminué les cheveux, si on est mutamatti' et le waqt est proche, c'est afdal. L'an, est-ce qu'on avait cité le moment de couper telbiya? L'an, quand on a expliqué qu'on arrivait en bus, on s'est mis en état d'ihram, etc. Et on a commencé Telbiya. On a cité. Est-ce qu'on a cité c'est quand qu'on doit arrêter Telbiya? Mouhim. On le cite. On a parlé, Cheikh Nataymin. Qala, wal mutamatti' idha shara'a fi tawaf, qata'a Telbiya. Aïe, quand il arrive fil Masjid al-Haram et il commence le tawaf, il arrête Telbiya. قال لأنه شرع في المقصود والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى المقصود المقصود c'est de faire الطواف في البيت السعي etc. العمر فالتلبية c'est pour la route quand t'arrives المقصود أي أعمال العمر أو الحج tu fais ces أعمال avec des أذكار etc. قال فإذا وصل إلى المقصود فلا حاجة إلى التلبية فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية نعم ويستغل ويشتغل أو يشتغل نعم ويشتغل بذكر الطواف نعم إفاء الأذكار qu'on avait dit pour الطواف قراءة القرآن etc. il n'y a pas un ذكر مخصص لكن il fait des أذكار et s'il récite des choses que le salafi récitait فطيب هكذا في السعي المهم أنه في هذا الحال il dit plus التلبية نعم وقد روي هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه il arrête التلبية quand il commence الطواف لكن الحديث il est ضعيف وصح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عن ابن عباس موقوفا أما مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونبقى الدليل على هذا لكن قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه أبقى بغسيتي أثر ابن عباس قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم نعم أكثر أهل العلم يسون على هذا وابقى الموقوف ابن عباس إن شاء الله تعالى سيالصواب فإذا قصر. Donc, quand tu te rases les cheveux ou tu diminues, halalahu kulla shay, hatta nisa. Alors, on a fini l'umra. Tu t'es rasé, t'as diminué, t'as fini l'umra. Tu retournes dans ton hôtel, tu te laves, etc. Tu remets tes habits normaux. Tu remets tes habits normaux et on conseille huna al-hadar mina tashabbuh bil kuffar. للأسف, tu trouves muslimoun, ils sont hunak, bilad al-tawhid. بلاد العلم بلاد الخير الحرمين etc. tu le trouves il a fini l'umra et il s'habille comme un kafir. لا لا يجوز هذا لا يجوز partout لكن هناك c'est أشد. On conseille نحن profitons هناك pour pas mal c'est un déclic tu délaisses ces habits qui te sont d'aucune utilité بل ça te fait du mal من تشبه بقوم فهو منهم. Après t'être habillé الآن tout ce qui était interdit pendant l'ihram, aille se tailler les ongles, se mettre du parfum, avoir des relations avec sa femme, etc. Tout ça, ça devient halal. Aille, t'es plus en état d'ihram, tu deviens, comme ils disent les ulama, halal. Fahada. Avec ça, on a fini ce fatal umrah. Walhamdulillah. الآن on a fini l'umra, الآن on attend la période du Hajj. نحن à partir de demain inchallah on commence. لكن quand tu es هناك الآن tu seras en période d'attente. Si c'est deux jours, si c'est une semaine, ça dépend. Ça dépend combien de temps tu es parti avant, avant le 8e de Dhul Hijjah. Et demain c'est le 1er de Dhul Hijjah. Inch'Allah on continue nos durous. Donc à partir de demain il ne reste plus que 8 jours. Plus que 8 jours. فنحن inch'Allah on commence ces fêtes l'umra. Et comme je vous ai dit, la plupart des choses, on les a vues. Al-Haram on a vu. Al-Tawaf on a vu. Al-Sa'i on a vu. Al-Halq wa al-Taqsir on vient de voir. Inch'Allah on va rester sur les masaïdes qu'on n'a pas vues. Amma, quand on arrivera à un rukn qu'on a déjà vu, on fera une simple ishara. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa al-sadat. ونسأله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وجزاكم الله خير على الحضور والحمد لله رب العالمين